Yeah. La caille pure, la caille pure. Yeah. Parce que le rap me va convaincant et que personne ne m'a convaincu. Pas le temps de prendre des vacances, pas assez de thunes pour un petit cul. Les punch partent à bout de souffle. Des problèmes, j'en ai beaucoup. Je suis sincère, je représente les gens sans sou, sans faire du sensé. Je lève mon verre à vous tous. La mort est à nos trousses. À la fin de mon histoire, y'a personne qui me portera secours. Alors je déchaîne l'inspi. C'est beaucoup plus qu'un style, beaucoup moins nocif qu'un stick. Va les coups d'être crédible. Je sais qui je suis, je sais tout ce que j'ai fait. Moi, si jette mon caleçon sur le mur, il ne restera pas collé. Je fais pas ça pour la gloire, cousin. Ne me confonds pas, ne me confonds pas. J'reste droit et dur pendant qu'ils jouent à faire les compas. Je veux pas qu'on me les casse, donc balance pas n'importe quoi. Je veux pas rentrer dans le rap, ça pue la merde. Trop de trous de balles, les rafales partent de tout part. Tu peux crever comme Tupac. Un paquet, je bégaye, je me présente la pub pure caille. Ouais, ouais, ouais. Un paquet, je bégaye, je me présente la pub pure caille. 2014, ça pue le rap.